laissez vous la blanche tombe. Où flotte le jet semble qui flambe de vif. Sur lui fut le pâle commande. Triste et seul au soleil touchant. Oh.